Par le vénérable Sayadaw Upandita-Bhivamsa. Centre de méditation Sakyamuni, mai 2000. Hier, le vénérable Sayadaw a répondu à la question: que veut dire Satipatthana? Et il l'a fait d'un point de vue à la fois théorique et pratique. Mais le sujet n'a pas été épuisé. Le terme sati, c'est donc l'attention, le fait d'établir fermement l'attention sur un objet. Mais l'attention n'est pas suffisante. Elle doit être soutenue par deux autres facteurs mentaux, vitaka, le fait de diriger, de viser, de focaliser l'esprit sur l'objet, et le deuxième facteur, la deuxième force qui sera nécessaire, c'est viriya, l'effort qui a la nature de propulser l'esprit, de le lancer vers l'objet, de le pousser. Sans l'aide de viriya, vitaka, le fait de diriger l'esprit, ne permet pas d'atteindre la cible. D'autre part, sans l'aide de vitaka, le fait de diriger l'esprit, viriya, l'effort, ne permettra pas non plus d'atteindre la cible. L'attention ne pourra pas surgir. Il faut donc obligatoirement que ces deux facteurs, vitaka et viriya, soient présents et de façon équilibrée. Ce n'est qu'à cette seule condition que l'attention pourra être établie fermement sur l'objet. Nous pouvons illustrer ceci par l'exemple suivant. Pour saisir un morceau de nourriture avec une fourchette, il faudra qu'à la fois l'attention soit dirigée vers ce morceau de nourriture et qu'un certain effort soit fourni. Si l'esprit est dirigé vers l'objet, mais que l'effort n'est pas correctement dosé, la fourchette n'atteindra pas l'objet ou elle le dépassera. D'autre part, si l'effort est présent, mais que vitaka, le fait de diriger l'esprit, est manquant, la fourchette sera poussée vers l'objet, mais il n'est pas certain qu'elle va l'atteindre. Ce n'est que lorsque ces deux facteurs, vitaka et viriya, sont présents, qu'il sera possible de se saisir de ce morceau de nourriture avec la fourchette. C'est la même chose avec l'attention. L'attention doit être accompagnée de ces deux facteurs mentaux, vitaka, la focalisation, le fait de diriger l'esprit vers l'objet, et viriya, l'effort, le fait de propulser l'esprit vers l'objet. Ce n'est que lorsque ces deux facteurs mentaux sont présents que l'esprit pourra atteindre l'objet d'observation. Ce n'est donc qu'à cette condition que l'attention pourra être établie fermement et avec précision sur l'objet d'observation. Voici un autre exemple. Lorsqu'il joue aux billes, les enfants auront besoin de deux facteurs s'ils veulent réussir à toucher la cible. Pour toucher la bille, Il sera nécessaire que l'enfant dirige son esprit vers cette bille et qu'il fournisse un certain effort pour la propulser, la pousser, la lancer vers la cible. Ce sont là deux conditions indispensables s'il veut atteindre la cible. Le fait de diriger son esprit vers la bille, c'est vitaka. Le fait de faire l'effort d'envoyer cette bille vers la cible, de la pousser vers la cible, c'est viriya. La première bille va atteindre la bille immobilisée et s'y frotter. Ceci, c'est vichara. Vitaka et vichara, le fait de diriger l'esprit vers la cible et le fait de s'y frotter, sont deux facteurs jhaniques, jhananga. Au moment où la bille immobilisée est atteinte, est touchée, la joie, le bonheur vont se manifester. Cette joie, ce bonheur, c'est piti, un autre facteur jhanique. Lorsque l'esprit est envahi par piti, la joie, le corps va ressentir un certain confort. C'est sukha, un autre facteur jhanique. L'esprit qui expérimente piti et sukha va progressivement se calmer. Il va s'unifier. Ceci, c'est ekagata, l'unification de l'esprit, un autre facteur jhanique. Vitaka, vichara, piti, sukha et ekagata sont donc cinq facteurs jhaniques. Lorsque ces cinq facteurs jhaniques sont présents, les cinq empêchements, les cinq nivarana, n'ont aucune chance de pénétrer dans l'esprit, de pénétrer dans le courant de conscience. C'est exactement la même chose qui va se produire dans la méditation. Lorsque nous dirigeons notre esprit vers l'objet d'attention, cette conscience attentive va atteindre la cible, va s'y frotter. L'effort est présent et lorsque l'esprit atteint la cible, atteint l'objet d'attention, la joie va se manifester. Piti se manifeste dans l'esprit. Cette joie, cette piti, va amener un certain confort. C'est ainsi que sukha pénètre dans l'esprit. L'esprit va progressivement se calmer et s'unifier. C'est ekagata, un autre facteur jhanique. Dans la pratique de la méditation, ces deux facteurs, vitaka, le fait de diriger l'esprit, et viriya, l'effort, sont donc très importants. C'est pour vous faire comprendre l'importance de ces deux facteurs que le vénérable Sayado vous a donné l'exemple du jeu de billes. Au cours de votre méditation, si vous voyez par vous-même, si vous constatez que vous êtes capable d'atteindre la cible, la joie va se manifester en vous. Le confort également va se manifester en vous. Vous serez alors heureux de pratiquer la méditation, vous ne serez plus ennuyé. La méditation ne vous apparaîtra plus comme fastidieuse. Il y a cinq empêchements, cinq nivarana. Kamachanda nivarana, le désir de contact sensoriel. On désire voir de belles choses, entendre des sons harmonieux, sentir de bons parfums, goûter des mets délicieux, avoir des contacts corporels agréables et penser à des choses plaisantes. Ensuite vient Viapada Nivarana, la malveillance, la méchanceté, l'aversion, le mécontentement. Tinamida Nivarana, la torpeur et la somnolence. C'est un manque d'énergie qui donnera au méditant l'impression d'être faible, endormi, peu alerte. Vient ensuite Udacha Kukucha Nivarana. C'est l'agitation et le remords. L'esprit a des difficultés à rester fixé sur l'objet. Il est agité, il court de tous côtés. Kukucha, le remords, c'est le regret d'avoir fait certaines choses négatives dans le passé. Udacha Kukucha, c'est donc de façon générale l'agitation, l'effervescence de l'esprit. Le dernier empêchement, c'est Vitikicha Nivarana, le doute sceptique. Le méditant n'a plus confiance en rien. Il est critique à l'égard de tout. Ces cinq empêchements, ces cinq Nivarana, vont donc provoquer une certaine agitation dans l'esprit. L'esprit ne sera pas calme, il ne sera pas stabilisé. L'empêchement du désir sensuel, Kamachanda Nivarana, peut être surmonté par l'unification de l'esprit, Ekagata. Ekagata est donc l'antidote à l'empêchement du désir sensuel, Kamachanda. Lorsque piti, la joie, se sera manifestée dans l'esprit, le méditant se sent heureux. Il est satisfait. Ce bonheur, cette satisfaction va pouvoir permettre au méditant de surmonter Vyapada Nivarana, l'empêchement de la malveillance, du mécontentement, de l'aversion. On peut donc dire que piti, la joie, est l'antidote à l'empêchement de l'aversion. Le facteur jhanique de vitaka, le fait de diriger l'esprit vers l'objet, détient la capacité à rafraîchir l'esprit, le réveiller, le rendre alerte. C'est de cette façon que l'empêchement de tinamida, la torpeur et la somnolence, pourra être combattu, car cet empêchement, tinamida, rend l'esprit contracté, éteint. C'est donc par vitaka, ce facteur jhanique qui consiste à diriger l'attention vers l'objet, que nous pourrons surmonter tinamida, la torpeur, qui, au contraire, fait sombrer l'esprit, l'endort. Vitaka est donc l'antidote de tinamida. Un esprit pris par Udacha Kukucha, l'agitation et le remords, va s'inquiéter, va brûler, va s'agiter. Sukha, le bonheur, est précisément à l'opposé de ces états d'esprit. C'est donc par Sukha, le bonheur, que nous allons pouvoir surmonter l'agitation et le remords, Udacha Kukucha. Sukha est donc l'antidote de Udacha Kukucha. L'esprit qui a atteint la cible va s'y frotter, c'est Vichara, et ce facteur mental va nous permettre de surmonter le doute sceptique, Visikicha. Visikicha a la nature de l'indécision. L'esprit n'arrive pas à décider, il hésite constamment. Vichara, le fait de se frotter à l'objet, d'en approfondir l'observation, va servir d'antidote à l'hésitation que provoque Visikicha. La constance, la fermeté de Vichaya permet de surmonter l'indécision, l'hésitation de Visikicha. C'est de cette façon que les cinq facteurs djaniques servent d'antidote aux cinq empêchements. Les empêchements sont qualifiés en pali de Chetasu Upakilesa, ce qui veut dire les pollutions de l'esprit. Il est également dit des cinq empêchements qu'ils affaiblissent l'esprit. De tous ces facteurs mentaux, Viriya, l'effort, est le plus important. Cet effort est qualifié d'héroïque. Viriya, c'est l'arme par excellence qui va nous protéger des akusala, des actions déméritoires. Viriya est également l'arme par excellence qui va nous permettre de réaliser des actes positifs, des kusala. Au cours de notre pratique, il faudra que nous soyons toujours alertes, actifs et éveillés. Pour être actif, alerte et éveillé, il faudra que nous développions viriya, l'effort. D'autres facteurs seront néanmoins également nécessaires dans la pratique. Sada, la foi, la confiance. Chanda, le désir de pratiquer, la motivation pour la pratique. Dans ce contexte, sadda veut dire avoir foi, avoir confiance dans les sept bénéfices qu'apporte la pratique de Satipatthana. Nous avons déjà parlé dans une certaine mesure de ces sept bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que cette pratique de Satipatthana amène la purification de l'esprit. Si nous nous engageons dans cette pratique, nous obtiendrons ce premier bénéfice, à savoir la purification, la pureté de l'esprit. Au départ, il y a un acte de foi qui sera progressivement confirmé par la pratique. Nous accepterons, nous serons sûrs que cette pratique de Satipatthana amène la purification de l'esprit. Ceci, c'est sadda, la foi, la confiance. Avec sadda vient forcément le désir, chanda, de pratiquer. Le désir d'obtenir ces bénéfices inhérents à la pratique. C'est chanda. Si la motivation est présente, si chanda est présente, la personne va tout naturellement fournir l'effort. L'esprit va devenir alerte et éveillé. Lorsque l'on parle de la foi, de la confiance, il ne s'agit pas uniquement d'avoir confiance dans la pratique de Satipatthana. Pour exprimer cela dans un langage conceptuel plus moderne, on pourrait dire que sadda, la confiance, c'est la confiance en soi. C'est également la confiance dans le professeur et dans l'enseignement. Si la confiance est présente à tous ces niveaux, tout naturellement, chanda, la motivation, le désir de pratiquer, va se manifester. La personne va fournir l'effort qui est nécessaire et il fera preuve de courage dans sa pratique. Si l'effort est soutenu, l'attention va se manifester et sera maintenue. La concentration va alors automatiquement apparaître et se développer. Parmi tous ces facteurs du Dhamma, sati, l'attention, doit pénétrer l'objet, elle doit s'enfoncer dans l'objet d'observation. Sati, l'attention, doit donc détenir la qualité de okanti towa pawatati, ce qui veut dire pénétrer, entrer dans l'objet. Si elle possède cette qualité, elle pourra rester fermement établie sur cet objet. Et elle pourra rester de façon ininterrompue, comme un flux. Si l'attention est maintenue de façon continue, les impuretés mentales n'ont aucune chance de pénétrer le courant de conscience. En conséquence, l'esprit sera protégé contre l'attaque des impuretés. Un esprit protégé est un esprit en sécurité. Un esprit en sécurité est libre des liens que constituent les impuretés mentales. Lorsqu'il y a liberté par rapport aux liens, il y a paix de l'esprit, shanti, et bonheur de l'esprit. Le développement de tous ces facteurs mentaux positifs est appelé bhavana. Puissiez-vous tous combattre les empêchements, à commencer par Kamachanda Nivarana, en développant en vous toutes ces forces du Dhamma. Puissiez-vous fournir l'effort qui est nécessaire dans la pratique et puissiez-vous, en conséquence, obtenir Dhamma Rati, le bonheur du Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.